La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On commence, comme on l'a fait toutes les années, et c'est apprécié par les joueurs, les parents, également les équipes. On commence notre tour des joueurs. Au lieu d'interviewer les entraîneurs, ben on a décidé d'interviewer les joueurs. Soit des Cougars de Chicoutimi, des Gaillards de Jonquière. Et cette semaine, on va commencer avec un joueur des Cougars de Chicoutimi qui est natif du haut du lac, c'est Alexis Thibault. Et savoir un peu comment il entrevoit sa première, son année avec les Cougars, on lui passe. Salut Alexis! Salut Danny! Alexis, d'abord, c'est ta combientième d'année avec les Cougars? Ma deuxième saison. Ta deuxième saison. Comment tu entrevois cette deuxième saison? Comme un peu l'année passée, c'est juste qu'il y a un peu plus de changements qui s'est passé dans l'équipe, là, mais j'en entrevois bien. Là. OK. Est-ce que, évidemment, cette année, avec la disparition d'Alma, j'imagine qu'on espère évidemment faire les séries du côté des Cougars? Là? Ouais, c'est sûr, c'est toujours un objectif. OK. Si on parlait un peu de ta saison personnelle, est-ce que tu joues de façon régulière avec les Cougars? Oui. OK. Et de quelle manière que Nick Melanacci t'utilise? À quelle position tu joues? Alors, présentement, je joue comme free safety. OK. Et est-ce que toi, présentement... au niveau scolaire, à quel domaine que tu étudies? Je suis en sciences humaines. Tu es en sciences humaines et éventuellement tu vas aller à l'université? Ouais, ben là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais je regarde, je suis ouvert à tout pas mal. Là. OK. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire au niveau universitaire? C'est quoi que tu regardes? Bon, présentement, pour moi, c'est vague. Okay. Pas trop d'idées, vraiment. OK. Est-ce que tu aimerais jouer au football universitaire? Ben, je réfléchis pas trop. Présentement, je me concentre plus sur mes saisons ici, mais peut-être que oui. Là. OK, OK. Dis-moi, comment au niveau personnel, est-ce que tu as des objectifs cette année? Oui, ben, c'est sûr que là, j'ai changé de position cette année, fait que je vise à m'améliorer pas mal à cette position-là. OK. Puis, je veux bien performer, là. OK. Est-ce que tu as quand même... Est-ce que tu as trouvé ça dur, changer de position? Ben oui, mais en même temps, tu sais, j'avais déjà joué à cette position-là au secondaire un peu, fait que j'avais quelques bases, puis j'aimais vraiment ça jouer là, fait que ça a été le fun de faire la transition. OK, mais c'était quand même, ça va plus vite quand même, là. Oh, oui, vraiment. Pourquoi, quelle raison qu'on t'a changé de position? Ben, Nick m'a texté cet été, m'a demandé si ça me tentait, puis j'ai dit oui tout de suite, parce qu'il savait que j'avais l'intérêt pour jouer à cette position-là. OK. Alexis, jouer au football collégial, ça demande quand même beaucoup de discipline avec les études. Hein. C'est des journées assez longues, pareil. Oui. Oui, ça commence de matin, le matin tôt, puis j'imagine avec l'entraînement, les études et ainsi de suite. Là. Puis il ne faut pas négliger les études, j'imagine aussi. Là. Non, il faut tout bien gérer ça. OK. Ça commence vers quelle heure? 6h, 6h30, puis ça finit quoi? 7, 8h le soir? En thé partout? Le soir, on commence, ben là, cette semaine, on a commencé vers 6h, ouais, 6h30, on finit vers 8h, 8h30. Ça fait des bonnes journées, effectivement, ça fait des bonnes journées. Ben, Alexis, on va te souhaiter la meilleure des chances, au plaisir de se reparler, puis on va se reparler bientôt. Merci, Danny. Voilà, Alexis Thibault des Cougars de Chicoutimi.